Audiomatic. C'est avec le projet britannique Bat for Lashes, mené par Natasha Khan, que s'ouvrait la transmission 334 d'Audiomatic. Nous vous présentions la pièce Vampires, extraite de son cinquième album, Lost Girls, lancé en 2019. Chaque transmission d'Audiomatic permet aux sonoristes d'ouvrir les portes de l'univers des sons pour céder la place aux artistes qui les utilisent pour composer et créer. Les sonoristes ne sont nul autre que les portiers de cette infinité à l'intérieur de laquelle se dévoile une infime parcelle durant chaque transmission d'Audiomatic. Thank you. à Audiomatic, cette séquence musicale se concluait sur une pièce du projet Midbeat Manifesto, soit Pin Drop, apparaissant sur son plus récent album intitulé Opaque Couché, paru en 2019. Avant Midbeat Manifesto, nous écoutions le groupe Collocutor, dirigé par la saxophoniste britannique Tamar Osborne. De leur premier album intitulé Instead, sorti en 2014, nous écoutions la composition Elephant Room. C'est au tour maintenant du défunt groupe américain Chairlift de se faire entendre à Audiomatic. My sister pale, when did disco dancer. Well, it happens a lot round here. And if you think peace is a common goal, that goes to show how little you know. The death of a disco dancer. Well, I'd rather not get involved. I never talk to my neighbor, I'd rather not get involved. Maybe in the next world, maybe in the next world, maybe in the next world. Il s'agissait à Audiomatic de la formation américaine Dire Ouf et la chanson Désapparé Serré, tirée de son sixième album Milkman, sorti en 2004. Tout juste avant, c'était bien entendu le groupe britannique The Smiths et la pièce Death of a Disco Dancer qui se retrouve sur l'album Strange Ways, Here We Come, paru en 1987. Et pour débuter, le duo américain Chairlift nous interprétait la chanson Unfinished Business de l'album Moth, qui est son troisième et dernier album lancé en 2016. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique de la formation colombienne Bomba Estéreo. Fuego, mantén. on a Timberland. Growing up, growing up, really getting trained up. Look out from over the rooftop. Growing up, really getting trained up. Look out from over the rooftop. Competition coming out now. Load up in fire, fire, fire. Competition coming out now. Load up in fire, fire, fire. You should have been good to me. Now I'm getting so thank you. C'était le groupe Terra Nova qui concluait cette séquence musicale à Audiomatique. Nous écoutions la pièce Running Away de l'album Hitchhiking Nonstop with No Particular Destination, sorti en 2002. Avant Terra Nova, c'était le projet MIA de l'artiste Matangi Arul Pragasam et une pièce de son premier album, soit Fire Fire, tiré de Arular, paru en 2005. Et au début de la séquence, c'était la formation Bomba Estéreo qui nous interprétait Fuego, tiré de son album Estaya, publié en 2008. Les derniers instants de cette transmission 334 d'Audiomatique révélera la pièce Song for Ancestors du groupe anglais Juno Reactor, fondé en 1990 par Ben Watkins. Song for Ancestors est paru sur son cinquième album intitulé Chango, lancé en 2000. Les sonoristes assureront la présence mercredi prochain dès 17h afin de réaliser la transmission 335 d'Audiomatique en direct du studio du 89.1 FM. Néanmoins, leur présence transcende ce seul moment et lieu pour s'affranchir de toute contrainte de temps et d'espace grâce aux environnements numériques, où sont accessibles les transmissions ultérieures, notamment à travers les profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc Juno Reactor et la pièce Song for Ancestors. C'était Audiomatique avec les sonoristes.